agite son cul et je crève comme un con. Ah, l'amour est un menteur, il agite le bonheur et il laisse le malheur. Ah, mais je n'ai pas peur, j'aurai l'enfant de pute par derrière, je la baise et elle pleure et à ton tour d'apprendre. Ah, l'amour est un menteur, il agite le bonheur et il laisse le malheur. L'amour est un enfant de pute et il agite sa queue et tu crèves comme une conne. Ah, connasse ! Et te voilà à ton tour prise dans le piège infernal. Le prix de l'amour, la mort et les larmes. Ah, ah, l'amour est un enfant de pute et il agite son cul et je crève comme un con. Ah, l'amour est un menteur, il agite le bonheur et il laisse le malheur. Et nous voici tous les deux pris dans le piège infernal. Un coup c'est toi qui pleures et l'autre coup je meurs. Agite sa queue et nous accourons. Ah, l'amour est un menteur, il agite le bonheur et il nous laisse le malheur. Et nous voici tous deux pris au piège si doux. Un coup tu jouis, un coup je ris, un coup tu jouis, et un coup je meurs. Un coup tu jouis, et un coup je meurs. Ah, l'amour est un enfant de pute, il agite son cul et nous crions comme des cons. Un menteur, il agite le bonheur et il laisse le malheur.